Bonjour et bienvenue maintenant à un entretien que je vais effectuer en compagnie de François. Ici David Lévesque au micro et je suis en présence de François. Alors bonjour. Oui, bonjour David. Et non, je suis français, je ne suis pas canadien. Je n'ai pas la chance d'avoir votre magnifique accent. Ah mais t'en as un autre. Ah oui, c'est vrai. Accent Alors, du coup, nous allons parler supramental ensemble. Oh là là, attention. Alors, j'étais curieux de savoir dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la conscience supramentale? Eh bien, je dirais, c'est une force de vie en moi que j'ai depuis tout petit. Et c'est une dissonance entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que quand j'étais petit, je comprenais et voyais beaucoup de choses, mais que ni mes parents, ni mes professeurs, ni la société ne semblaient voir ou ne me reflétaient. Et donc, j'ai dû vivre intérieurement et faire semblant quelque part de convenir pour l'extérieur. Et ça m'a mis dans un état de frustration et de colère intérieure qui m'a permis en fait graduellement, donc quand j'ai pu me vers 18-20 ans, quand j'ai pu me dégager, on va dire, de l'emprise familiale, de la société, etc., de percer la bulle. Et petit à petit, je me suis aperçu qu'en fait, j'avais énormément d'informations qui venaient naturellement et que c'était le processus naturel que tout le monde a. Et que c'était très intéressant, Minute. finalement. Que tout le monde a, tu dis que les gens dans ton environnement vivent pas ça. Oui, c'est vrai, mais d'un côté, quand je parle avec eux, je vois qu'en fait, ils sont aussi là-dedans, c'est juste qu'ils s'en rendent pas compte, ils en ont pas conscience. Mais c'est parce que les gens qui ont une sensibilité pour percevoir, par exemple, des informations extrasensorielles, ça ne court pas nécessairement les rues. Peut-être les gens les perçoivent, les autres, mais ils n'en sont pas conscients. Voilà, c'est ça. Ouais. Je vois, j'ai des voisins qui ne sont pas du tout conscients, là. Mais quand je discute avec eux, personnellement, j'arrive à tourner la discussion de façon à ce que ce soit eux, finalement, qui me parlent à partir du contact. Et c'est tout naturel. Mais s'ils n'ont pas d'interlocuteur à qui parler, ils n'arrivent pas à sortir de ces conventions mémorielles dans lesquelles on parle de façon habituelle. Oui, d'où l'importance d'avoir des gens avec lesquels parler en interface vibratoire, Voilà. c'est-à-dire de faire de la canalisation d'une manière volontairement consciente de l'énergie qui provient de l'esprit. Totalement, et c'est pour ça que je suis très heureux de discuter et d'échanger avec toi aujourd'hui, parce qu'on va bien voir ce qui sort et ça peut être très très intéressant. Oui, certainement. C'est sûr que c'est intéressant ce que tu mentionnais par rapport à ton passé, parce que après tout, moi-même, comme beaucoup de personnes qui ont eu à composer avec des informations avec une certaine sensibilité, bien, on se sent différent des autres. Oui. Oui, on se sent d'abord différent des autres, et puis après, finalement, on refait l'autre partie du chemin où on voit que finalement on est semblable aux autres, c'est juste qu'on a une conscience ou un regard sur les choses qui est différent et qui ne fait que changer et évoluer, en fait. Oui, c'est sûr que dans le fond, ça évolue avec le temps. Et j'étais curieux de savoir, plus précisément, pour revenir à ma question de base, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au supramental dans le sens des enregistrements qui existent, que ce soit Daniel Ménard, Bernard de Montréal, puis aussi par rapport à ce qui se fait là, sur Facebook, les forums de discussion, ces choses-là. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? C'est très simple, en fait, c'est mon esprit, ou donc moi-même, qui me suis orienté vers ça. Je crois que j'avais lu un livre, c'est La vie des maîtres de Splading, et à la fin, au début, il y avait marqué Fondation Urantia. Et Fondation Urantia, j'avais été regardé sur Internet, et je suis tombé sur la cosmogonie d'Urantia, donc oui. Avant le supramental, avant de m'intéresser aux conférences de Bernard, etc. Et donc j'ai acheté le livre, j'ai lu un peu, j'ai compris certains trucs et puis j'ai compris que c'était un livre vibratoire qu'il fallait que je laisse infuser. Donc j'ai laissé, je ne me suis pas occupé de ça, mais j'ai lu un seul mot qui m'a interpellé, c'était le mot moronciel. Et là j'ai tapé moronciel Je suis tombé sur le site de Sandra Vimont, supramental.biz. Oui. Là, j'ai lu, c'est pour la première fois, la psychologie évolutionnaire supramentale. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur les conférences de Bernard, que j'ai écoutées. Et au début, je ne comprenais rien. Mais comme j'écoutais vibratoirement, bah, petit à petit, ça m'a complètement ouvert l'esprit. Ça m'a ouvert l'ego plutôt à l'esprit. Et puis du coup, bah, c'est passé. Et puis après, maintenant, je n'écoute plus rien du tout. Puis je compose avec la vibration, tout simplement. OK, puis dans le fond, lorsque. C'est ça, tout vient du mot borrentiel. Oui. Mais ça date de quand que tu es tombé sur la psychologie évolutionnaire, là, puis le Oh, site de ça Sandra doit être Vimont, ouais. 2012. Ah, OK, donc ça fait quand même un bon moment. On est en 2019 Oui. lorsqu'on produit cet enregistrement. C'est vrai. Donc Donc ça ça a fait. permis d'intégrer, de changer, de voir les choses autrement, et puis d'intégrer par le corps. Oh, l'intégration par le corps, peux-tu me donner un peu plus de détails à savoir ce que tu entends par là? Ah, alors, justement, on parle beaucoup de supramental. Mais Oui. moi, j'aimerais parler du supraphysique. Parce que pour moi, parler que de supramental sans parler de supraphysique, c'est une dualité et c'est s'exposer aux forces de contraction et aux forces d'expansion. Donc, c'est quelque part souffrir pour intégrer. Alors que si on parle de supraphysique, quelque part, c'est la conscience du corps. On a bien conscience de l'esprit à un moment, conscience de l'âme, conscience de l'ego. Et à un Ouais. moment, donc là c'est là où j'en suis, c'est vraiment acquérir cette conscience du corps, comprendre que tout ce qu'on reçoit vibratoirement, on doit après l'intégrer cellulairement. C'est-à-dire que la vie va nous proposer des expériences, si nous-mêmes on n'intègre pas, qui vont faire qu'on va dormir, qu'on va se promener, qu'on va faire de la méditation, qu'on va faire du jardinage, de la cuisine, pour intégrer ce qu'on a compris en fait dans les cellules. Et si on pouvait avoir autant conscience de notre corps, c'est-à-dire de la moindre articulation en nous, de notre moindre zone de rigidité ou de souplesse, alors ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ben on pourrait encore mieux intégrer dans notre vie quotidienne, en tant que vécu, bah, toutes ces compréhensions supramentales qui restent en général, je vois pour la plupart des gens autour de moi, de la théorie et pas forcément de la pratique. Mais Donc moi, je... oui, mais Ouais. pour y aller concrètement dans l'intégration du vécu et du corps, peux-tu me donner un exemple? Oui, bah, par exemple, quand je nourris mon chat, ou quand je fais la vaisselle, ou quand je fais la cuisine, en fait, là où c'est le plus puissant, je dirais, c'est la promenade en forêt. C'est-à-dire que quand je me promène, je fais marcher mon corps, Oui. je ne pense à rien en particulier, et je sens comme si le taux vibratoire de mes cellules bougeait en fait. Mais alors ça peut être la marche en forêt, mais parfois ça va me dire de va prendre un bain ou va danser. C'est beaucoup la danse. En ce moment, je vais aussi à des ateliers de postural. Ça me dit de vas-y François, va danser, va à un atelier de postural. L'atelier de postural, c'est prendre conscience de sa posture, de sa verticalité et investir son corps par sa conscience. Oui, d'être présent à son corps. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, parce que tu faisais mention à aller te promener en forêt, en Oui. nature, moi, je vais aller en forêt, en nature, lorsque j'ai un surplus d'énergie parce que je suis électrifié dans le mental. Donc, Ah autrement dit, si par exemple, je canalise quelque chose ou je parle pendant une longue période de temps, ça peut être 1 heure et demie, 2 heures, et là, je suis très électrifié par rapport à la présence de l'esprit qui s'est manifesté à moi à travers la communication, ben là, le surplus d'énergie, je vais aller l'évaporer, le dissiper dans la nature qui va l'absorber, dans le sens que pour me calmer, m'apaiser, lorsque je suis très oui, bien sûr. électrifié. Eh bien oui, je te comprends totalement parce qu'en fait, tu rétablis un équilibre quand tu fais ça. Imaginons que tu étais beaucoup trop dans l'électrisation, comme tu as dit, du haut, du mental. Oui. Et bien après, en marchant, tu vas quelque part intégrer par le magnétique donc de la Terre, qui est la planète, la Gaïa, qui va te faire intégrer par ton corps. Le corps, c'est aussi la planète. Oui, c'est une partie de la planète, puis est reliée à la Terre, en effet. Voilà, donc tu rétablis cet équilibre électromagnétique qui va permettre la neutralité et l'équilibre, et tu seras au centre, et du coup, bah là, tu intégreras, et tu ne seras pas comme un moine qui restera perché dans le haut et qui n'évoluera plus, en fait. Oui, exactement, parce que les descentes d'énergie, parce que dans le fond, mon âme vibre à un certain taux vibratoire, mon esprit a un taux qui est différent. Puis lorsque je Voilà. vis la présence de l'esprit, ben ça me déstabilise en tant qu'âme. Puis là, Totalement. c'est ça, fait que là, une fois que je vis, à mettons, de la canalisation pour mort détente, ben je vais en nature pour rétablir le taux de mon âme à un état qui est plus stabilisé. Donc, Ouais, je pour que la comprends. nature absorbe le surplus d'énergie. Fait que c'est une des particularités par rapport à moi. Puis si je le mentionne, je sais très bien que ça peut être pertinent aussi pour d'autres personnes qui peuvent nous écouter, là. C'est sûr que la Oui. douche aussi, le bain, en effet, l'eau absorbe beaucoup. C'est un élément absorbant. Exactement. Ouais. Voilà, qu'on a des émotions fortes, on peut mettre de l'argile verte dans son bain ou du gros sel, des huiles essentielles, et en effet, là, on retourne à la terre et on absorbe. On rétablit cet équilibre électromagnétique. C'est très important. Oui, exactement, pour rester cohérent et en santé. C'est ça. Puis sinon, ben c'est sûr que toi, tu as été en contact avec du matériel québécois et comme Oui. tu es situé en France, je me demandais si tu avais eu des fois des difficultés à nous comprendre. Je me suis très vite habitué à l'accent et aux expressions. Et ça m'a aussi ouvert l'esprit sur le Québec, finalement, à travers les conférences de Bernard ou de Daniel, parce qu'après, je suis tombé sur les conférences de Daniel. D'ailleurs, j'ai pas mal parlé avant sa désincarnation. J'ai intégré votre accent et votre culture. Et du coup, je comprends mieux le québécois et j'ai même de l'affection pour cette culture, qui est une culture, je trouve, très simple, très riche, très vrai, dans le sens une réelle bonté, mais à la fois très consciente. Ben, pour ce qui est de la conscience, ça peut être discutable parce que, après tout, le supramental, que ce soit Daniel Ménard, Bernard de Montréal, puis il y en a d'autres aussi au Québec, c'est encore limité dans le sens que Oui. c'est pas mainstream. Les médias de masse n'en parlent pas présentement. C'est nulle part là, sur les grandes chaînes de télévision ou de radio là, également, là. Oui, mais c'est pas grave. C'est comme en France, on a beaucoup de conscience dans certains domaines occultes, on pourrait dire, mais c'est pas du tout diffusé. Mais je trouve que c'est normal, en fait. C'est comme si on tissait un nouveau monde par-dessus l'ancien. On va dire que la sixième et septième race racine sont compatibles avec la cinquième race racine. Ben, ah, c'est intéressant parce qu'on a une divergence ici, parce que en réalité, la problématique de compatibilité, selon moi, entre la cinquième puis la sixième race, pour employer cette terminologie-là, c'est que la cinquième race racine a développé beaucoup l'intellect, mais elle n'a pas Oui. accès à une compréhension vibratoire, du réel. Alors que c'est le cas pour la sixième, puis les gens de la sixième race racine peuvent comprendre les gens de la cinquième, mais le contraire n'est pas possible étant donné que les gens de la cinquième n'ont pas l'interface psychique de. Oui, j'entends. Mais ce que je vois, ce que je constate aussi, c'est que la frontière entre la cinquième et la sixième sont de plus en plus minces. La cinquième, on pourrait dire le cinquième chakra, la gorge, la voix, et le sixième, les perceptions du chakra 6, le troisième œil, les perceptions intérieures. Ben, il y a de plus en plus de monde, et là on voit au fur et à mesure des années qui passent, la frontière est de plus en plus mince et de plus en plus de monde perçoivent, ont des sensations dans le corps, sentent que c'est trop dur de travailler de cette façon-là, sentent qu'ils préféreraient se promener en forêt plutôt que d'être dans une cage à poules, etc. Oui, il y a une Donc, montée de la sensibilité de la population, en effet. voilà, on est quand même dans une phase d'ascension de la planète. Donc, comme les corps subtils de Gaïa, la Terre, sont reliés à tous nos corps subtils, bah, tous les habitants qui ont un corps physique, donc nous, les 7 milliards d'êtres humains, ascensionnent aussi vibratoirement. Après, est-ce que leur ego est d'accord pour lâcher certaines croyances ou certaines géométries et s'intéresser beaucoup plus à la vibration. Ouais, ben ça, c'est un autre aspect, dans le sens que des gens qui demeurent attachés à leur bagage mémoriel, qui les lient à un passé, puis c'est de voir si les gens vont accepter de se dépouiller psychiquement de l'attachement à des mémoires, l'attachement à des circuits émotionnels, les liens à l'astral, pour s'alléger et être dans un état disponible à l'éthérisation de leur conscience. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais même dans le milieu du supramental, je trouve que c'est quand même empreint de beaucoup de dualité. Et du coup, c'est normal, je trouve, de se prendre pas mal de forces de contraction dans sa vie quand on est dans le supramental. Parce que pour moi, il n'y a pas encore l'équilibre corps et esprit. Mais c'est une façon, juste une Oui. façon de voir les choses, en fait, cet équilibre. Par exemple, tu sais, Bernard parlait beaucoup du rapport de force. Oui. Mais moi, je ne pense pas que ce soit un rapport de force dans le sens de s'opposer qui soit intéressant d'interpréter. Moi, j'interpréterais plutôt par envoyer un différentiel à l'esprit. Parce que comme on est dans des dimensions totalement différentes, le physique et le plan supramental de l'esprit, eh ben, pour communiquer, c'est très compliqué. Donc l'esprit, ok, il communique par les événements, par la vibration ou par le corps, Oui. mais nous, comment est-ce qu'on communique à l'esprit? Eh ben, par un différentiel, c'est-à-dire si on envoie par exemple une énergie de joie, de colère ou quelque chose de très puissant, eh ben, ça va percer, on va dire, les mondes astral ou mental et l'esprit va pouvoir faire les correctifs dans nos corps subtils en fonction de ce qu'il envoie. En fait, ce qu'il perçoit de ce qu'on envoie, là. Voilà. Oh. Par exemple, on a un événement douloureux qui arrive, c'était pour qu'on comprenne quelque chose, mais à un moment, il faut qu'on puisse dire à l'esprit, là, c'est bon, j'ai compris, etc. Et petit à petit, une communication de plus en plus subtile on va dire, se matérialise. Et le différentiel vibratoire, donc par les émotions, souvent de colère, qu'on envoie, est de plus en plus faible, voire inexistant. Et après, du coup, on a un dialogue où on peut nous-mêmes parler avec notre esprit, qui est nous-mêmes, en fait, aussi. Dans le sens que le différentiel énergétique entre l'ego et l'esprit est moins grand, ce qui amène une fluidification de la communication entre ces deux aspects. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, quel est le but de l'esprit? C'est de se préparer des corps subtils et un corps physique et un ego qui intègre des principes cosmiques. Et donc, comment il peut faire? Il le fait en complicité avec nous. C'est-à-dire que il fait « Allô Houston, si je t'envoie cet événement, qu'est-ce que t'en dis? Ah ben non, là, ça me fait trop d'émotions, ça me fait ci, ça me fait ça. Fais les correctifs. » Et hop, il fait les correctifs dans les corps subtils en descendant. Et donc petit à petit, il descend de plus en plus et la communication est de plus en plus fluide. Oui, autrement dit, il y a une médiation entre l'ego et l'esprit. Donc, il y a une. Quand on appelle ça, c'est comme deux éléments qui ont leur taux vibratoire qui doivent s'harmoniser. C'est l'image qui me vient en tête. Voilà. Exactement. Et ces corps subtils, ce ne sont que des sas de décompression de la lumière de notre esprit jusqu'à la lumière de notre corps matériel. Exactement. Et souvent, ce qui est problématique, c'est le début où ce dialogue commence à s'opérer entre l'ego et l'esprit, étant donné le décalage vibratoire entre les deux éléments. C'est ça, et c'est là où Bernard nous a donné une astuce qui est de passer temporairement par une schizophrénie dans le sens que, il y a les forces et il y a nous, ou il y a notre ego et il y a notre esprit, et il faut trouver un équilibre petit à petit. Voilà. Oui, exactement, mais c'est sûr que la conscience dissociative entre d'un côté l'individu en tant qu'ego versus l'individu en tant qu'esprit, peut servir temporairement pour que la personne puisse faire la distinction entre le moi planétaire et le moi cosmique. Exactement, parce que même j'écoutais ton enregistrement avec Daniel, et Daniel disait que quand on est conscient et qu'on est supramental, entre guillemets, nous sommes des combattants. Et ben moi j'aimerais amener que je trouve qu'à un moment, la communication est tellement subtile que nous ne sommes plus des combattants, mais nous devenons des danseurs. C'est-à-dire qu'en fonction des événements, en fonction des compréhensions, on se réaligne intérieurement, on se réharmonise intérieurement, on se repositionne intérieurement face à l'événement, et là, l'événement se neutralise immédiatement. Et donc, c'est une danse que nous faisons avec notre esprit ou avec la vie, donc une danse de nous-mêmes dans la matière, avec nous-mêmes multidimensionnels. Oui, ben c'est sûr que l'image de la danse est peut-être plus agréable que celle du guerrier qui va au combat. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que dans le processus de dépollution de l'ego, l'individu a amené un certain combat dans le sens que s'il y a des ondes de résistance en lui qui l'empêchent d'intégrer de l'énergie nouvelle, dans le sens que si elle, je peux donner un exemple concret, si, admettons, la personne est mise en vibration. Pour quitter sa compagne, puis la personne, simultanément, l'astral en elle l'amène à avoir peur de mettre fin à la relation, en lui acheminant l'idée que la personne va se retrouver toute seule, elle ne sera pas capable de refaire sa vie, que par la suite, elle va s'ennuyer, et ainsi de suite. Donc, quand elle veut faire un mouvement qui met fin à une relation, dans ce cas-ci, elle peut être confrontée à des résistances, d'où l'idée de mener un combat psychique par rapport à la dimension astrale ou mémorielle en elle qui peut l'empêcher à passer à l'action pour aller en agissant en fonction de la vibration qu'elle capte. Oui, j'entends totalement ce que tu dis, mais encore une fois, ce n'est qu'une façon de vivre les choses, de se mettre dans cette position de combat, parce que finalement, contre qui se bat-on? On se bat finalement contre nous-mêmes et pas contre l'astral, parce que à travers l'astral ou des pensées ou les émotions qui viennent quand dans l'événement que tu décris. Finalement, c'est nous-mêmes qui donc la lumière de nous-mêmes, de notre esprit, qui descend dans le plan mental pour nous envoyer des pensées ou dans le plan astral pour nous envoyer des émotions, pour nous pointer encore, tiens, regarde François, là tu as encore cette mémoire qui est là. Donc si on regarde du point de vue que nous sommes en train de nous enseigner nous-mêmes par la pensée, par l'émotion, on sort de la dualité, on sort du combat. On sort des forces de contraction et d'expansion, et la vie ne devient qu'un dialogue et une communication, et on se repositionne intérieurement, continuellement, en fonction de ça, et du coup, c'est là que les forces ou notre esprit descend petit à petit dans le corps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'est subtil. Donc, si tu m'amènes ça autrement par rapport à l'exemple que je donnais appliqué au quotidien, Oui. là, parce qu'après tout, beaucoup de gens peuvent vivre, par exemple, des résistances à mettre fin à une relation, ou ça peut être le contraire aussi, commencer une relation. Est-ce que quelqu'un, par exemple, que ça lui dit intérieurement, puis il sent que la vibration est plus haute de mettre fin à la relation, puis que Ah la oui. vibration est plus basse de continuer, puis là, la personne, elle vit une espèce de tiraillement intérieur. C'est de voir que quelque part, on peut interpréter ça comme étant, dans un sens, un combo où la personne doit suivre la vibration plus haute en elle, dans son action, en dépit des résistances qu'elle peut capter, là. Oui, je comprends. Là, tu parles d'une personne qui est encore habituée à combattre, mais une personne qui n'est plus habituée à combattre et à être au service de la vibration, c'est-à-dire comprendre que lui-même, multidimensionnel, détient les clés vibratoires qui va lui permettre d'évoluer, et même que notre corps physique ou nos actions sont totalement éthérisées ou mises en vibration par l'esprit. Donc, si l'esprit retire ses forces de vie en nous, bah, on meurt. Où on n'est plus apte à faire la moindre chose. Si l'esprit n'a pas décidé qu'on fasse quelque chose, ben on ne va pas le faire en fait, c'est impossible de lutter contre cette énergie. Donc dans le cas d'une personne qui vit un tiraillement, par exemple qui doit quitter donc sa femme, mais il n'ose pas parce qu'il a de la mémoire qui est reliée à ça, plus il va résister à la vibration qui lui a été envoyée, plus des événements vont être violents contre lui et plus son corps va être violent contre lui aussi, c'est-à-dire plus il va tomber malade, plus il va avoir des mots, des mal à dire, quelque chose de mal qui communique, qui veut dire quelque chose. Et donc, il va être forcé, au bout d'un moment, de suivre ce que lui disait la vibration. Et quand il aura vécu 15, 20, 100 situations dans lesquelles il aura à chaque fois empiré les choses en luttant, en combattant contre lui-même, eh ben il va se mettre à danser. C'est-à-dire qu'il va comprendre qu'il est au service de lui-même et qu'il a tout intérêt à danser et à se réaligner intérieurement en fonction de la vibration. Oui, ben, c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens que si quelqu'un s'acharne dans un mouvement, comme par exemple rester avec sa compagne alors qu'il est mis en vibration pour la quitter, ben, il va vivre des oppositions de son environnement. La personne peut être malade, puis sa vie va se C'est dégrader. ça. Donc, autrement dit, s'il ne comprend pas tout de suite le signal, ben, il va avoir une amplification du signal qui va l'amener dans une zone plus grande de souffrance qui va l'amener éventuellement à bouger par la force des choses, là. Exactement. Et ce ne sera pas de l'astral, ce ne sera pas des forces involutives, ce sera des forces évolutives qui vont prendre possession des émotions de sa compagne, qui vont devenir violentes à son égard, par exemple. C'est sa propre lumière qui va influencer sa compagne pour être de plus en plus violent avec lui, pour que lui puisse se réveiller à sa propre vibration et suivre le feu sacré qui lui est envoyé et devenir lui-même, en fait, petit à petit. Oui, ben c'est très intéressant dans le sens que ça revient au principe qu'on a, à quelque part, on n'a pas de libre arbitre dans le sens que tôt ou tard, si on a à faire quelque chose ou quelque chose doit être vécu, comme par exemple une séparation, tout va être mis en place par l'esprit pour que ça s'accomplisse. Exactement. Alors, dans le sens qu'on n'a pas de libre arbitre, je suis d'accord avec toi si on se positionne en tant qu'ego. Mais si on se positionne en tant qu'ensemble, ego, âme et esprit, alors là, on a un grand libre arbitre parce que on est quelque part à l'équilibre. Et l'esprit a autant besoin de son corps que le corps a be que l'ego a besoin de l'esprit. Donc, on peut autant se servir de l'illimitude de l'esprit pour explorer le futur, pour comprendre des choses, pour savoir quoi faire, que l'esprit se sert du corps pour descendre et habiter la matière. Donc là, on acquiert une liberté avec double avantage. L'avantage d'être incarné dans un corps de matière et d'explorer la matérialité, et l'avantage d'être aussi un esprit qui a accès à la multidimension. Oui, ben c'est intéressant que tu amènes ça sur ces deux angles-là. Oui, c'est très pertinent. Donc, c'est sûr que ça nous ramène au principe de l'être intégral. Voilà, exactement. Et c'est pour ça, bah, tout à l'heure, tu me posais la question sur ma vie. Bah, actuellement, donc depuis 2012, j'ai organisé ma vie pour être tout le temps dans le vide. C'est-à-dire ne rien avoir à faire au niveau survie pour être tout le temps au service de la vibration. Et du coup, j'acquiers une liberté exceptionnelle parce que moi, je suis au service de la vie et au service de ma vibration, de mon esprit. Mais Attends une du minute, coup, attends une minute. Parce que le terme service, ça m'achale un peu parce que ça me fait ah. penser au service spirituel. Tu sais, le religieux qui est missionné pour être en service à la communauté. D'accord, ben là c'est pas du tout ce service dans ce sens-là, c'est plutôt dans le sens complicité, la complicité relationnelle. OK, oui. Dans le fond, je voulais clarifier avec toi. C'est sûr que je comprenais le sens que tu voulais donner, mais pour le Oui, bénéfice t'as des raison. auditeurs et auditrices, je voulais clarifier les choses pour pas que les gens interprètent ça comme étant une forme de spiritualité où la personne se met au service de la vie, des anges, de l'amour pour le collectif, là. Bien vu. Et du coup, bah, en fait, en me mettant dans cet état de, bah, je dis de service, mais en fait de communication, où j'aimerais plutôt décrire cet état de service comme étant un état d'être dans le vide ou d'être disponible. Et ben, en étant disponible, moi physiquement et égoïquement, et ben l'esprit est disponible aussi pour moi. C'est-à-dire que ce que je vais vivre, ou ce que je vais faire de mes journées, etc., je vais aussi quelque part en être libre et le choisir. C'est-à-dire que l'esprit va s'occuper de toute ma survie, de toutes mes relations, de tous mes petits tracas, tous mes petits soucis, j'en ai plus en fait. Ça s'en occupe, parce que ça me dit quoi faire pour les régler au fur et à mesure. Donc, autrement dit, tu reçois de l'information interne pour t'amener à gérer ta vie d'une manière efficace. Exactement. Dans un partenariat 50-50, vraiment équilibré. Et là, la vie devient extrêmement simple, extrêmement fluide, Et bah, en fait, c'est un début de grande liberté quelque part. Oui, ben c'est sûr que tu as mis de l'avant une notion intéressante, c'est-à-dire celle de vide mental. Peux-tu détailler un peu plus? Mais en fait, c'est pas que c'est vide mental, mais c'est aussi vide physique. C'est-à-dire que dans mon espace-temps, donc dans ma journée, je mets du vide. C'est-à-dire moins j'ai de rendez-vous, de choses prévues dans mon calendrier, plus je suis content, parce que plus je laisse de la place à moi-même. Moi-même, mon esprit qui vient descendre dans ma corporalité. Donc plus je suis dans le vide, finalement, plus je suis moi-même. Parce que je suis dans la spontanéité, l'instantanéité de mon esprit. Et je suis plus dans la programmer un rendez-vous, réfléchir ce que je dois Ben, faire, le nom de mon attends une ami. minute, parce que dans notre cas, après tout, on s'est planifié un rendez-vous aujourd'hui pour discuter. Puis Oui. on peut suivre une vibration de l'esprit aussi qui peut nous amener à prendre un rendez-vous avec une personne. Absolument. Alors, c'est à nous de discerner. Alors, en effet, il y a les deux cas. On peut aussi arrêter des dates et des moments. D'ailleurs, ils ne sont jamais figés, ces dates et ces moments. On aurait pu déplacer, on aurait pu annuler, Oui, ou certainement. etc. Voilà. Mais on sent qu'on est libre. C'est-à-dire que ça, quand les forces me disent, là, va faire ton entretien avec David, je ressens une vibration de paix, de joie, et je sens que c'est très juste, en fait. Alors que si un ami m'invite à une fête et que ça va pas être intéressant pour moi, je vais ressentir autre chose. Et je vais pas du tout avoir envie de le mettre dans mon emploi du temps, mais plutôt de laisser mon emploi du temps libre, dans le vide, pour que ça se remplisse automatiquement par autre chose de bien plus constructif. Non, je comprends très bien ce que tu veux dire, puis je voulais le clarifier aussi, parce qu'après tout, des fois, l'esprit travaille avec la structure comme l'horaire, des fois non aussi. C'est sûr que par rapport à toi, je t'ai proposé de t'interviewer parce que j'ai capté vibratoirement, que ça me disait intérieurement que ça serait intéressant. Donc, j'ai été mis en vibration par rapport à ça. Ce n'est pas nécessairement le cas avec toutes les personnes avec lesquelles je suis en contact là, sur Facebook. Là, il y en a au-dessus de 300. Ouais, j'imagine. Donc, il y a une sélectivité vibratoire des fois qui s'opère pour Voilà. nous amener à être en contact avec des personnes plutôt que d'autres. C'est sûr que présentement, j'ai beaucoup plus de plaisir à discuter avec toi que d'aller avec des gens assister à un match de hockey où on va voir une foule hurler après une rondelle. Bah oui, non mais c'est clair. C'est très drôle ce que tu dis, je suis d'accord. C'est sûr que si je ramène un exemple qui va peut-être rejoindre davantage les Français, alors je pourrais parler d'une partie de foot. Oui, non, moi pareil, je ne suis pas du tout supporter d'un club de foot particulier, ça me fait rire. Bien que si mon esprit me demande à aller voir un match de foot, je vais y aller et je vais le faire dans ma centricité. Donc ça va être extrêmement intéressant. Oui, exactement. Même chose par rapport au hockey au Québec. On a chacun nos sports nationaux. Mais c'est sûr que si l'esprit m'amène à aller voir un match de hockey, j'ai l'impression que ça va être plus parce que je vais à rencontrer quelqu'un à cet endroit. Puis là, je vais Voilà. servir de canal pour lui dire quelque chose de significatif par rapport à sa vie dans une perspective d'évolution. Oui, totalement. Ouais, bah c'est exactement ça. Et c'est ça la liberté finalement, c'est de réussir à ne pas se fermer de possibilités et à rester dans ce qui nous anime et va nous faire évoluer. Parce que la liberté, elle est dans l'évolution, elle n'est pas dans la stagnation. Exactement. Surtout que l'évolution par rapport au rehaussement du taux vibratoire donne accès à plus de vitalité, d'énergie, ce qui favorise l'expression et la manifestation plus grande d'une conscience libre dans la matière. Exactement. Et pour en revenir sur cette notion de liberté, il y a quelque chose qui me vient là. Oui. Parce que pareil, j'ai entendu Daniel beaucoup parler de l'argent, des ressources, que même les non-terrestres, les intelligences non-terrestres avaient besoin de ressources et que tout était géré par des ressources. Mais en termes de liberté, je ne pense pas que ce soit une somme d'argent qui nous rende libre, une somme d'argent extérieur, mais plutôt, on va dire, des ressources intérieures. Je m'explique. Par exemple, si je sais cultiver la terre, faire pousser des tomates, eh ben, même si j'ai aucun argent, je pourrais toujours planter mes tomates n'importe où. Ou si je sais réparer mon lave-vaisselle, ou ma machine à laver, eh ben, je pourrais, au lieu de faire appel à un dépanneur ou d'acheter une machine neuve, je pourrais, en moi, j'ai la connaissance, j'ai le savoir-faire, j'ai la confiance qui me permet de faire ça. Donc, je pourrais moi-même réparer ma machine à laver gratuitement. Et donc, je deviens autonome intérieurement. Et finalement, j'acquiers une liberté d'action qui est beaucoup plus grande que si j'avais, l'argent nécessaire qui pourrait être manipulé par la vie ou par les forces. On pourrait m'enlever l'argent ou me le faire dépenser autrement. Et donc, sur certains aspects de ma vie, même beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, ben, je trouve qu'il est très intéressant de s'autonomiser et d'acquérir ses ressources intérieures. Oui, d'acquérir des compétences, ça peut être utile, mais la façon que je le vois, c'est que l'argent peut être utile aussi. Un exclut pas l'autre, là, naturellement, là. Oui, exactement. Ouais. Oui, l'argent, ça peut être aussi très utile, bah, pour le faire circuler l'échange, pour être dans l'échange. Parce que c'est pas le tout d'accumuler ou d'avoir de l'argent. L'idée, c'est comment, quand je rencontre quelqu'un, je peux me mettre en échange avec lui. Pas forcément un échange pécunier avec de l'argent, mais un échange, peut-être que quand je vais lui parler, ça va lui apporter tellement que lui, il va vouloir m'offrir du miel. Tu vois? Exactement. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir du troc qui s'opère, dans le sens que quelqu'un peut, par exemple, donner une consultation vibratoire à une personne, puis l'autre, en contrepartie, lui faire à manger ou peu importe, là. C'est ça. Mais oui, Donc en étant. oui, c'est intéressant ce que tu mentionnes. C'est sûr que si, surtout que tu es jeune, tu sais, de développer les compétences dans la matière, en effet, c'est très utile. En fait, peu importe l'âge. Voilà. Par exemple, si j'ai peur d'aller vers les autres et que l'argent m'empêche d'aller vers les autres, parce que au lieu d'aller demander des courgettes à mon voisin qui a un champ de courgettes, eh ben, je vais les acheter au supermarché parce que j'ai peur d'aller voir mon voisin et de lui demander des courgettes. Eh ben, je peux profiter de cette situation pour, entre guillemets, travailler sur moi ou reconnaître ma peur et l'affronter, aller vers cette peur et petit à petit, graduellement, en fonction de ce que mon âme peut absorber, mon âme ou mon enfant intérieur, donc en accompagnant cette émotion de peur. Je peux me pacifier petit à petit et acquérir la neutralité vibratoire, donc mémorielle, parce que c'était une mémoire qui me donnait cette émotion. Donc acquérir après cette capacité d'aller voir mon voisin et d'acquérir des courgettes gratuitement. Donc je ne me suis plus caché derrière l'argent, mais cette fois-ci, je peux aller voir mon voisin, mais je peux aussi après aller voir d'autres personnes, parce que je n'ai plus peur d'aller demander Oui, mais tu as une soulevé un courgette. terme intéressant, c'est-à-dire affronter. Donc, affronter la peur, ça me ramène à la dynamique du combat ou du rapport de force auquel faisait allusion Bernard. Ouais. Mais c'est affronter dans le sens reconnaître. En fait, quand je dis affronter, je devrais changer mon vocabulaire parce que c'est encore de la dualité, je trouve. Affronter dans le sens reconnaître qu'il y a ça et accompagner. Accompagner Mais cela en de lien avec ce que façon tu dis, intelligente. peut-être qu'on est différent, puis c'est correct aussi, là. Moi, je le vis plus comme un combat, dans le sens que D'accord. j'ai peur de faire quelque chose. Il faut que je monte en énergie pour que mon énergie soit plus élevée que celle de la peur qui m'amène dans l'inertie ou la résistance à faire cette chose. Ah, je comprends. Bah, moi, c'est plus un jeu ou une danse, parce que c'est une partie de moi que je réintègre. Donc, je danse avec cette partie et je joue avec ma peur. Et en fait, c'est comme un enfant, ma peur. Ces mémoires, l'âme, c'est une enveloppe de mémoire qui contient l'esprit. Donc, l'âme est un enfant quelque part. Pour moi, nous sommes les parents de nos émotions ou les parents de notre âme. Donc il convient d'y aller de façon ludique avec eux et pas d'y aller de façon avec humour. Donc j'ai Oui. remarqué que c'était beaucoup plus agréable si j'avais un regard d'humour envers moi-même, envers mon émotionnel, envers mon enfant intérieur quand j'allais déconstruire une émotion ou déprogrammer une mémoire. Ouais, c'est beaucoup plus pédagogique et ça va beaucoup mieux en fait. Plutôt que de forcer, d'affronter, de m'exposer de façon parfois trop virulente à ma mémoire, ça risque de me faire peur et après d'empirer les choses. Donc, tu vois, c'est une stratégie, en fait. Oui, ben c'est sûr que la manière peut avoir de l'impact. Si on est capable de rire de la peur au lieu de la prendre au sérieux, ben il y a un détachement qui se fait plus en douceur que dans une optique. Ben, quoique, moi, je suis ouvert à toutes les possibilités. Ouais, c'est sûr que tout ça, c'est délicat parce que. Ouais, mais c'est subtil, hein, discuter ces choses-là parce que des Oui, perceptions internes. c'est vrai. Après, c'est vrai, j'avoue qu'il faut un certain recul, une certaine maturité pour tenir le discours que je tiens, parce que c'est important, je pense, de passer par l'étape dualité. Moi aussi, je suis passé par cette étape quand j'ai écouté Bernard de combat contre les forces, de rapport de force, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça m'a peut-être construit un corps subtil qui m'a permis après d'acquérir la notion de danse, on va dire. Oui, donc c'est sûr, la danse, c'est plus sensuel, c'est plus, t'sais, c'est plus Oui. agréable. Ça, c'est clair, là. Mais oui. J'avais entendu, je pense, à un moment donné, un conférencier, danser sa vie au lieu de la subir, t'sais. Ouais. Donc. Exactement. C'est pour ça que j'ai ça me ça... la notion de danse me fait beaucoup penser au couple. Parce que dans le couple, finalement, c'est de la danse qu'on fait à deux. C'est une sorte de ballet vibratoire dans lequel on se positionne face à l'autre, aussi bien en intelligence qu'en amour, qu'en volonté. Ouais, ben ça peut être un tango où les deux partenaires vont prendre différentes positions, s'ajuster mutuellement. Mais de danser avec l'astral, ça c'est une autre affaire. Parce qu'après tout, il y a des forces adverses à l'être humain, ce que Bernard appelait les forces anti-hommes, les forces sataniques, les forces luciférienne, qui vont s'opposer à l'évolution de l'être humain et à son émancipation psychique. Donc, s'il y a des forces qui sont dans un esprit de combat, c'est sûr qu'implicitement, j'ai l'impression que ça nous amène plus à une dynamique du combat que de la danse. Ben, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, moi je leur ai demandé à ces forces, et tout le monde peut faire l'expérience. Demande à ces forces qui elles sont dans le fond, et elles vont répondre, ben, on est une partie de toi. Et là, tu dis, ben, je vais pas me battre contre moi-même. Donc je peux changer mon regard et danser avec. Et là, elles sont beaucoup plus sympathiques quand elles sont vues et reconnues pour ce qu'elles sont, et pas comme un méchant qui vient les agresser. Même les forces luciférienne, satanique. Les intelligences non terrestres involutives, je suis d'accord qu'il y en a, et dans notre imaginaire dualitaire, ça nous fait du bien de pouvoir les mettre à l'extérieur de nous, mais plus on les met à l'intérieur de nous, plus elles deviennent pacifiques, et plus l'intégration est facile, et finalement, pas bah, plus on danse, et moins on subit, alors très important, moins on subit de forces de contraction. Oui, parce que la contraction est inversement proportionnelle à l'opposition qu'on peut faire ou la résistance à ce mouvement-là. Exactement. Voilà. Plus on danse avec la vie, moins on subit de contractions. Daniel, il parlait de perdre ses chats. Je te l'ai dit tout à l'heure. Il avait à un moment jusqu'à 35 chats. Et quand il faisait un entretien ou quelque chose, ou une conférence, il y avait deux chats qui mouraient. Et je pense que le regard qu'il avait était très intéressant de montrer l'exemple par ces chats qui meurent. À une époque, ça a beaucoup construit beaucoup de monde dans le supramental, mais je pense que maintenant, en 2019, petit à petit, quand on le souhaite à notre rythme, on peut avoir qu'un seul chat, comme toi et moi, on a chacun un chat, le conserver, qu'il soit en bonne santé, mais accepter de danser avec la vie, tout simplement. Mais ça, c'est un autre aspect. C'est-à-dire que Daniel Ménard, lorsque je l'avais interviewé, puis il parlait que avant l'entrevue, il y avait un chat qui était décédé. C'était pour le mettre dans une vibration de ce que je comprenais, là, d'opposition. Donc, de le mettre en état d'électrification interne, parce que de perdre un chat, ça lui fait vivre du mal. Donc, ça l'amène à sortir d'un état dans lequel il peut être plus vaporeux, calme, Oui, j'entends. pour l'électrifier, pour le densifier, pour que par la suite, il puisse l'énergie de l'esprit descende en lui puis canaliser du matériel. Donc, c'est sûr qu'il y a un aspect, puis je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce processus-là, là, naturellement, mais c'est que lorsque la personne est confrontée à des oppositions, ça peut l'amener à monter en vibration puis de la sortir dans un état dans lequel elle est molle pour l'amener à connaître des prises de conscience qu'elle ne ferait pas autrement. Mais je suis d'accord. Moi, j'ai vécu beaucoup cette polarité de contraction et je la vis de moins en moins. Et c'est la preuve que quelque part, les corps subtils se forment, se complètent et les forces descendent et la communication est de plus en plus subtile. Et du coup, j'ai beaucoup moins besoin que la vie me renvoie des événements violents pour que je fasse attention au message qui est derrière. Oui, bien, c'est sûr que normalement, il est supposé avoir une épuration de l'événement à mesure qu'on est en phase, en harmonie psychique avec l'esprit. Donc, si on Tout est à fait. en harmonie avec lui, il n'y a plus besoin de nous mettre entre les pieds des événements oppositionnels pour qu'on se rapproche de lui. C'est ça, mais il y en aura toujours, hein. Moi, j'en ai encore de temps en temps quand il y a une grosse mémoire qui doit partir et que je ne veux pas la voir, quand mon ego n'a pas la capacité de l'absorber, bah là, ça va grossir petit à petit jusqu'à ce que je lâche, en fait, que l'ego lâche et dise, OK, j'ai compris, je lâche, voilà, maintenant je suis totalement au service. Enfin, au service de Exactement. l'intégration de cette information. Exactement. Ben, ce qui me vient en tête, Alain, ce que tu dis, c'est que tant que la personne a des résistances internes à intégrer l'énergie de l'esprit puis faire ce qu'elle a à faire, elle va être confrontée à des oppositions. Voilà, exactement. Et je pense qu'à une époque, avant que l'initié de Nazareth vienne, c'était quasiment impossible de communiquer avec son esprit, donc de ne pas subir, on va dire, cette dualité des événements, parce que quelque part, là, le sacrifice des chats de Ménard m'a fait penser au sacrifice du Nazaréen qui, finalement, en sacrifiant, en se laissant condamner et tuer, pour moi, il a percé l'astral pour l'âme de l'humanité. C'est-à-dire qu'il a fait un trou qui nous a permis d'accéder au circuit universel, c'est-à-dire d'accéder à notre esprit et de faire descendre après les principes qui étaient bloqués par cet astral beaucoup trop dense. Bien, ça peut ouvrir la porte dans ce sens-là, la venue du Christ, donc Jésus-Christ qui vient sur Terre, qui enseigne le principe « Aimez-vous les uns les autres ». Donc, Oui. ça prépare la descente d'énergie, d'éventuellement d'autres principes comme l'intelligence et la volonté. Mais par rapport à ça, c'est sûr que, bon, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire, parce qu'autre temps, autre mœur aussi. Mais en lien avec ce que tu dis, c'est sûr que si tu me poses la question à savoir entre le combat puis la danse, c'est quoi que je préfère? Ben c'est sûr que je vais toujours préférer la danse là, naturellement Ah, là. tiens. Ben oui, mais en fait, je pense que danser, tu vois, c'est quelque chose du corps aussi. Donc, si on veut rentrer dans cette dynamique, je pense qu'il va falloir beaucoup s'intéresser au corps, à comment il marche, comment il s'étire, comment il se repose. Daniel, on l'appelait Gros Minou. Oui. Et il n'y a pas, à mon avis, il mangeait, il faisait pas beaucoup de ménage chez lui. Est-ce qu'il faisait son yoga le matin? Je sais pas trop. J'ai des sérieux doutes. Voilà, moi aussi. Bernard, c'est pareil. Est-ce que Bernard allait à la danse? Bon. J'ai des sérieux doutes aussi, là. Voilà. Donc bon, je pense que nous, on est une génération qui commence à avoir conscience du corps, et j'en ai parlé avec d'autres personnes du Québec qui aussi ont cette conscience-là que en rentrant dans le corps, on va en finir avec la dualité et on va vraiment devenir libre. Et que c'est là que les forces et que les cellules vont changer leur taux vibratoire. Mais d'ailleurs, quand on parlait du Nazaréen, mais lui-même a dit prenez mon corps. Et en partageant son corps et son sang, finalement, il nous dit que c'est très important de passer par le corps et que en partageant son corps d'initié non terrestre, on pourrait dire, eh ben, quelque part, il partage sa vibration dans notre ADN physique. Ouais, là, on tombe dans de l'interprétation là, par rapport à Jésus, là. Ouais. Mais bon, sinon, c'est sûr que c'est particulier la question de l'intégration du corps parce que, après tout, parce que j'ai un ami qui est entraîneur, peut-être qui va écouter cet enregistrement, il s'appelle Olivier Oui. et lui, il met beaucoup l'accent sur d'avoir un corps qui est en santé, qui est en forme, qui est Mais oui. flexible, qui est capable de s'adapter dans différents environnements. Comme par exemple, lui, il peut aller se baigner dans l'eau froide. Ah. Donc, être capable de vraiment développer. Puis, moi, ce que je lui disais, c'est que par rapport au corps, oui, c'est pertinent de le développer, mais c'est juste un aspect de nous-mêmes. Puis après tout, il y a des gens qui ont des corps très développés. On pense entre autres à des haltérophiles, Ouais. des gens qui font de la compétition, mais qui n'ont pas la conscience supramentale. C'est Donc, ça. ça On peut c'est. faire de l'haltère en étant très conscient. Et on le fait de façon tellement différente que si on est dans la performance ou dans le vouloir faire quelque chose en compétition. Exactement. Donc, Et c'est ouais. ben là, du coup, c'est quelque chose me vient pour faire passer cette notion du corps. On parlait des forces de contraction et des forces d'expansion. Eh bien, quand on parle en tant qu'initié, si on parle à quelqu'un qui est. Si on parle à quelqu'un d'une chose qui va heurter son ego, c'est-à-dire d'une notion qui va être beaucoup trop haute pour lui, dans le mental, eh bien, quelque part, ça ne va pas respecter son rythme d'intégration. Donc, du coup, l'être de lumière qu'il est va être impacté. Et va nous renvoyer une vibration qui va nous impacter aussi pour nous dire stop, là tu ne respectes pas mon libre arbitre inconditionnel d'évoluer à mon rythme. Donc je te renvoie ça. Mais si on veut quand même faire passer les notions, c'est pas par l'extérieur en lui parlant de façon supramentale que ça va marcher, mais c'est par l'intérieur, donc par le corps. C'est-à-dire qu'en ayant vécu nous-mêmes, en ayant intégré les notions dans notre physicalité, on change notre ADN qui est connecté à l'ADN de l'humanité. Donc, la personne va sentir dans notre aura ou dans notre corps ce qui est intégré en nous et va pouvoir faire le changement par les racines, par la terre, par le corps, par son corps, donc par son supraphysique et non par son supramental en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens que la présence de quelqu'un qui rayonne d'une énergie supramentale à côté d'une autre peut avoir de l'impact sur elle, dans le sens que les auras, après tout, peuvent s'interpénétrer sur le plan physique puis se communiquer de l'information. Exactement. Et c'est pour ça que quand tu parles d'un vécu, eh ben là, l'autre y comprend, il intègre quasiment en direct. Alors que quand tu parles d'une notion supramentale que tu as juste comprise, bah là, le gars, il va juste pas comprendre et voire rejeter l'information. Oui, bien, c'est subtil parce que c'est sûr que, en fait, ce qu'on est parle plus que ce qu'on dit, dans le sens que la vibration qu'on peut dégager par notre présence peut être beaucoup C'est plus ça. importante puis manifeste pour un changement que les choses qui sont verbalisées puis adressées au niveau intellectuel. Exactement, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que finalement, le faire l'amour, Oui. c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus, pour moi, de plus fin dans l'intégration du supramental. Parce que pour comprendre des choses, pour se faire évoluer vibratoirement dans nos cellules du corps humain, ben, en faisant l'amour, quelque part, on intègre. Des principes, on intègre des polarités que l'autre a intégrées. Donc faire l'amour aussi bien à son partenaire, mais aussi à la vie. Ça se fait avec le corps, ça se fait pas, on fait pas que l'amour dans le mental, si tu vois ce que je veux dire. Oui, ben c'est sûr qu'au-delà de l'aspect psychique, l'aspect psychologique, le fantasme, ben, quand quelqu'un fait l'amour sur le plan physique, il peut avoir une communion énergétique entre deux êtres, là. Voilà. C'est ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'enregistrement que tu as fait avec Sandra Vimont, qui bah, c'est la première. Déjà, c'est une femme, et c'est très rare que des femmes parlent dans le supramental. Et en plus, c'est l'une des premières qui parle beaucoup plus de façon poussée du couple, et notamment des principes qui descendent. Et là, ce qui me vient, c'est que le féminin a des aptitudes particulières pour le principe de l'amour. Tu vois, le féminin est très accueillant, patient, conciliant, communication, communicant. Et donc, quelque part, de par sa physiologie ou sa, il est câblé pour recevoir plus facilement le principe de l'amour. Et l'homme, ou le masculin plutôt, parce que ça peut être l'inverse, ça peut être la femme qui a beaucoup de masculinité ou l'homme qui a beaucoup de féminité, ben le masculin, il va avoir des facilités, il va être plus câblé pour, entre guillemets, le principe de l'intelligence. Ah, moi j'aurais dit la volonté, tu vois. Ben, la volonté et l'intelligence, ils vont quelque part ensemble, parce que plus tu as de volonté, quelque part, plus tu as d'intelligence qui descend. Il y a une relation qui peut se faire entre les deux, mais moi je le voyais plus dans la volonté d'agir dans la matière, Ouais, comme c'est vrai. construire des maisons, travailler dans la construction. Souvent, c'est les hommes qui sont là encore majoritairement aujourd'hui. Exact. Dans le côté actif. Dans la matière, il y a beaucoup de volonté qui est requise. Si on pense à des hommes qui sont des haltérophiles, qui vont faire de la Ah. compétition, des choses comme ça. Et t'as fait de l'haltérophilie, toi, hein, David? Ben, c'est-à-dire que j'ai soulevé des poids et haltères, mais j'ai pas d'ambition de devenir un athlète, là. Je suis pas Ah, je quelqu'un comprends. de très musclé, puis je vise pas ça du tout. Je vais tout simplement être en forme physiquement pour être cohérent dans mon corps, là. Ah, c'est cool. Bah, je te vois bien faire de l'haltérophilie, en effet. Et c'est quelque chose dans le corps, là. Tu vois, toi, t'intègres aussi grâce à ça. Tu fais pas que de la marche dans la forêt, tu fais aussi plein d'autres choses. Donc, c'est Oui. pour ça, je pense que quand tu regardes toutes les personnes qui ont beaucoup intégré du supramental, bah, elles ont aussi beaucoup d'activités physiques. Ça peut être discutable parce que, après tout, à ma connaissance, Bernard de Montréal, c'était pas un athlète, là. Ouais, mais Bernard, c'était plus un canal qu'un humain qui allait fusionner. La preuve, il est mort. Ben, Donc attends une minute. une vraie fusion, pour moi, comme le disait Oui. Aurobindo, c'est jusqu'aux cellules, ou comme l'a montré l'initié de Nazareth, ben, c'est le corps moroncial dans lequel il est revenu, le corps de lumière, moitié physique, qui peut se matérialiser partout. Ben, attends une minute, c'est parce que Bernard, de mon point de vue, a vécu la fusion. Par contre, il y avait à se spécialiser dans la communication. T'sais, il Ouais. n'allait pas à venir sur Terre pour être un athlète olympique, là. Il venait pour communiquer ça. Donc, pour moi, il a moins investi, compte tenu du temps d'existence qui est quand même limité, il a moins investi son énergie pour développer le physique, C'est pour vrai. plus se développer en tant que communicateur, là, ce qui est un choix. Parce que, après tout, comme on est dans un monde de matière qui est limité, ben, il faut agir en fonction de certaines priorités. Totalement. Ouais. Et pour en revenir sur le couple, Oui. donc, en fait, le couple, c'est pour moi la voie royale initiatique qui permet de faire descendre les principes sous forme de triangle. L'amour, la volonté et l'intelligence, pour moi, ils descendent de façon assez équilibrée. On pourrait dire l'intelligence du haut, l'amour du milieu ou de l'âme, et la volonté du bas ou de l'ego. Et donc, bon, seul, c'est possible aussi, mais à deux, c'est beaucoup plus simple parce que comme il y en a un qui est souvent prédisposé pour un des principes, et ben en le faisant descendre, pour lui, ben ça le fait descendre pour l'autre en même temps. En autant que l'autre soit capable de l'intégrer. Voilà, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est un peu délicat. Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, j'en suis venu à la conclusion que l'harmonisation interne entre l'ego, l'âme et l'esprit, c'est le couple cosmique. Puis ça C'est pas à ça. passer par un individu extérieur à soi, bien que temporairement, ça peut favoriser des ajustements vibratoires puis des prises de conscience, là, naturellement, là. Mais ultimement, c'est intra-psychique. Mais oui, mais notamment pour faire descendre des principes, quand tu fais l'amour, physiquement, bah là, du coup, là, tu disais, mais si l'autre peut l'intégrer, mais l'autre, il peut l'intégrer si tu fais l'amour avec lui, parce que tu le transmets par le corps. Oui, c'est-à-dire que il peut intégrer, par exemple, la pénétration d'une énergie au sein de l'aura. Voilà. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'optique d'une intégration d'une conscience supramentale, il faut qu'éventuellement la personne soit capable de générer par elle-même cette énergie-là et de la rayonner. Ce qui veut dire que si la personne fait juste une intégration passive, la minute qu'on n'est plus avec elle, ben, elle se désorganise. Si elle n'est pas Ah capable. oui, là c'est voilà, ça c'est une en effet, c'est pas intégré du tout. Ouais. C'est ça, c'est parce que la personne peut bénéficier temporairement d'une vibration qui peut être générée en notre présence. Par exemple, on est capable de canaliser du matériel puis d'être ajusté, mais la minute qu'on n'est pas là, si la personne n'a pas développé par elle-même une autonomie psychique, n'est pas capable de s'auto-générer vibratoirement et de se renouveler psychiquement. Donc, ce qui fait en sorte que ça la garde dans une situation de dépendance. Totalement. Faut faire très attention à ça parce que la notion de couple cosmique, pour moi, c'est deux personnes déjà équilibrées, l'un dans son masculin-féminin et l'autre dans son féminin-masculin, qui après vont se rencontrer pour donner une double dualité qui va s'unifier. Mais c'est sûr que si l'un ou l'autre n'est pas déjà dans son propre équilibre de ses polarités, eh ben, il ne sera pas autonome. C'est-à-dire qu'il sera dans un couple planétaire. C'est-à-dire en compensation avec l'autre, en fonction de mémoire karmique, et plus dans une spontanéité autonome de l'individu vers un autre. Oui, je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Autrement dit, la personne, si elle va vers l'autre par besoin, parce qu'elle cherche en l'autre un complément, c'est parce Voilà. qu'elle n'est pas complète à l'intérieur d'elle, alors que si elle va vers l'autre comme étant un supplément, donc parce que c'est agréable, c'est très Totalement. différent comme rapport, parce que le rapport, ce que l'autre est le supplément, ben c'est plus léger, tandis que l'autre, c'est dans une optique de dépendance, de compensation, donc une lourdeur énergétique qui se rattache à ça. Exactement. Imaginons que j'ai des problèmes affectifs et que je vais vers une femme parce que j'ai besoin de câlins. Bah, ça va compenser le temps de ma relation, mais ça résoudra pas mon problème intérieur d'aller voir ce qui cloche dans mon affectivité. Ou si j'ai pas d'argent et que je vais avec quelqu'un qui a de l'argent, bah c'est pas ça qui va m'aider à moi-même générer ma propre abondance. Alors que Oui. si moi-même j'ai ma propre abondance et que je suis au clair avec mon affectivité et que je vais vers quelqu'un qui en est de même, alors là on rentre, finalement il n'y a plus de domination parce qu'il n'y a plus de système de dépendance. Donc on rentre dans une neutralité et on rentre dans un vrai échange de couple cosmique. Oui, ben ça me fait penser au principe que tu vas pas vers l'autre pour être heureux. Il faut que tu commences par être heureux toi-même pour Voilà. être bien dans ta peau, puis par la suite, tu peux aller vers les autres, mais tant que le ménage interne n'est pas fait, puis tu vas vers l'autre dans l'espoir que l'autre te rende heureux puis te remplisse, bien, tu te mets dans une position précaire, une position fragile par rapport à autrui, puis tu lui donnes le pouvoir éventuellement de te décevoir, alors que si tu es bien avec toi, que l'autre soit là, soit pas là, bien, tu es toi-même ton propre foyer de rayonnement énergétique, donc à ce moment-là, ton énergie, ta vitalité repose sur toi. Exactement, parce que finalement, l'autre, il va être que le reflet de notre propre astralité, c'est-à-dire de notre propre mémoire, de mémoire karmique. Une mémoire, pour moi, c'est un déséquilibre d'une polarité. C'est-à-dire que, imaginons que dans une vie antérieure ou dans la vie, dans une vibration, on était trop dans le positif ou trop dans le négatif, ça a créé une mémoire. L'idée, c'est que comme on porte ça dans notre aura ou dans notre émotionnel, l'autre va, pour qu'on puisse le voir à l'extérieur et l'intégrer à l'intérieur, l'autre va nous renvoyer ce déséquilibre de polarité. Et donc ça va se matérialiser par des paroles, par des actes, par peut-être de la colère, des émotions, jusqu'à ce que nous, on reconnaisse nous-mêmes dans ce qui se passe à l'extérieur et qu'on l'intègre. Et là, l'autre va être calmé. Mais pour en revenir à la notion du couple cosmique, Oui. moi, mon rapport à cette notion-là est la suivante. C'est-à-dire que ce n'est pas l'unification d'un homme avec une femme, mais c'est plutôt l'individu qui intègre en lui la dimension cosmique, c'est-à-dire son esprit. Puis l'individu vient sur la Terre seul, puis il repart seul. Moi, c'est la façon que je le vois. Temporairement, il peut avoir un partenaire sur Terre, au niveau C'est planétaire. ça. Il peut développer aussi des amitiés, mais ultimement, l'individu a à vivre en fonction de sa conscience et face à lui-même fondamentalement. Bah, je suis d'accord avec toi dans un sens. On va dire de façon Absolue, je suis totalement d'accord avec toi. Ok. Après, je remarque quand même quelque chose de la société actuelle. C'est-à-dire que la société pour moi actuelle est patriarcale, assez phallocratique, donc basée sur un fonctionnement plutôt masculin. La femme, elle, n'a pas formaté la société, n'a pas trop investi de son énergie la société actuelle. C'est-à-dire qu'elle est quelque part préservée dans sa finesse et sa beauté, on va dire, sa beauté d'alignement avec l'esprit. Alors que l'homme, en se créant un monde à son image égoïque, quelque part est prisonnier de ce qu'il a lui-même construit. Et donc, pour se sortir de ses illusions, donc pour pouvoir se reconnecter par exemple au principe de l'amour, ça va, je pense, passer par le féminin et par la femme. C'est-à-dire que si on reconnaît que la femme détient plus de cette vibration d'amour originel que nous, masculins, qui ne pouvons pas l'avoir, puisque on est validé par la société qu'on a créée dans nos principes de fonctionnement. Donc c'est beaucoup plus dur pour nous de nous remettre en question et de faire descendre les principes. Mais en se confiant, en se livrant en toute simplicité, en toute humilité au féminin, alors une transmutation est possible de façon beaucoup plus rapide que si on agissait seul. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Donc d'un point de vue absolu, je suis d'accord, ça peut passer par être seul, mais dans la société actuelle, je pense qu'on a pour 2000, 3000, 5000 ans si on passe pas par honorer le féminin. Oui, ben c'est sûr que l'individu masculin peut bénéficier de l'intelligence de la femme, de sa sensibilité, puis de son éclairage sur le réel, tant aussi longtemps qu'il n'est pas totalement harmonisé avec le réel. C'est ça. Mais c'est sûr que la société est en voie de mutation, parce qu'en effet, la société masculinoïde qui a été présente en Occident, dans différents pays, qui a teinté le contexte socio-culturel, est en voie de transformation rapide, notamment en relation avec l'émergence du féminisme. Exact. Exactement. Mais on voit, c'est en train de se transformer. Dans le métro à Paris, par exemple, il y a un numéro d'urgence en cas d'agression ou même si quelqu'un embête une femme, tout le monde peut le signaler. Et c'est nouveau, c'est depuis l'année dernière. Et du coup, c'est une grande avancée, je trouve, parce que le harcèlement de rue n'est pas que physique, il peut aussi être psychique. Quelqu'un qui siffle, qui regarde, qui va trop près, qui fait des gestes, etc. Et ça, c'est intolérable. Et ça commence à se savoir et la vibration commence à se changer et à ne plus être acceptée collectivement. Donc on voit qu'on évolue grandement, en effet. Oui, exactement, que les gestes d'agression sexuelle soient dénoncés de plus en plus sur la place publique, c'est bien aussi parce que c'est sûr, historiquement, les femmes ont beaucoup souffert de violences au niveau physique, psychologique, psychique, en Oui. relation avec des hommes qui étaient dominants là, dans le passé, là, naturellement, là. C'est ça, mais ne séparons pas l'homme et la femme en disant les hommes étaient méchants, les femmes gentilles. Mais il y a aussi d'un positionnement dû au karma de la femme, un positionnement de la femme ou du féminin actuel qui est quelque part dans une sorte de victime ou de soumission au masculin. Parce que n'oublions pas que depuis des millénaires, la femme sans un homme, elle ne survit pas. Elle n'a pas de foyer, l'homme va à la guerre, amène à manger. Donc c'est compliqué. À l'époque, donc ancré en elle, dans ses mémoires d'âme, il y a cette vibration de « Ah là là, si je suis plus en couple avec mon homme, c'est la fin du monde et je ne vais pas survivre. » Donc elles sont capables de développer des comportements de soumission très inconscient, et elle de se positionner donc dans cette vibration de soumission, et l'homme n'aura pas le choix que de devenir quelque part pervers narcissique, ou à moins qu'il soit extrêmement évolué et extrêmement clair dans son identité neutre de personne bienveillante, bah, ça va être compliqué aussi pour la personne, on va dire l'homme, de se positionner en tant que peu neutre, quoi. Non, je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est sûr que si quelqu'un va implicitement se positionner d'une manière soumise, ben implicitement la complémentarité énergétique va faire en sorte que l'autre peut se positionner comme étant dominant. Ben exactement, c'est pas un hasard si on attire une personne dans cette vibration. Ça me fait penser au principe de la victime qui attire le bourreau par inconsciemment son comportement qu'elle va avoir. C'est ça. Et parfois, la position de victime est beaucoup plus agréable parce que c'est nous le gentil dans l'histoire et l'autre le méchant. Oui, parce qu'il y a des bénéfices secondaires aussi associés à ça. Puis les C'est gens, tu ça. sais, tirent profit des étiquettes. Tu sais, comme aujourd'hui, les gens qui ont des diagnostics de troubles de déficit de l'attention ou autres, Ah oui. dans certains cas, vont utiliser ça comme prétexte. À un moment donné, je discutais avec un gars, puis il disait, moi, je dis, ah, regarde, arrête de me couper continuellement la parole. Quand on parle, on a chacun le droit d'avoir l'espace à dire ce qu'on a à dire. Puis là, il dit, ah, ben moi, je t'atteins de troubles de déficit de l'attention, fait que je suis impulsif, puis c'est normal que je coupe continuellement la parole, tu sais. Fait que là, il s'ouvrait pas à la possibilité d'écouter un peu plus, puis il mettait ça sur le fardeau du déficit de l'attention, puis de l'étiquette. Bon, c'est sûr qu'il y a une partie de réalité là-dedans, je le nie pas, mais en même temps, c'est de voir si la personne a, objectivement parlant, la capacité d'être un peu plus en mode écoute, puis elle le fait pas, ben c'est parce qu'elle là, est de mauvaise foi, là. Absolument. Ouais, j'entends. Bah, comme je connais une association des scléroses en plaques, j'ai vu une personne qui venait leur faire un coaching pour les faire sortir vibratoirement de cet état d'esprit, Faut pas qu'il reste sclérosé. de sclérosé. Mais en fait, j'ai vu la présidente des sclérosés en plaques du coin, elle voulait pas changer. Elle était contente parce que ça lui faisait des amis, ça lui faisait une association à gérer, tu vois. Et donc, si elle abandonnait sa sclérose, en fait, est-ce qu'elle aurait la même énergie pour se refaire des amis, etc. Donc, parfois, il y en a, ils ne sont pas prêts à changer tout de suite parce que c'est leur rythme et ils ont besoin de le vivre plus longtemps pour pouvoir l'intégrer vraiment, hein. Tout le monde n'est pas obligé d'évoluer extrêmement rapidement. C'est pas une course, là. On est tous au même point au niveau de l'espace-temps, c'est qu'une illusion de notre mental, ça. Oui, exactement. D'où l'importance de ne pas être sclérosé psychiquement dans des étiquettes. Voilà, exactement. Parce qu'on peut être piégé aussi avec l'étiquette du supramental. Ah ouais. Parce que des gens peuvent dire, ah, cette personne-là est supramentale, l'autre, elle ne l'est pas. Puis là, ça peut être des jeux d'étiquettes qui vont faire en sorte que la personne elle va essayer de se sentir supérieure à d'autres en disant, ah, ben moi, je suis dans le supramental, toi, tu n'es pas là-dedans, tu sais. Oh là là. Écoute, moi je te dis maintenant, je suis vraiment dans le supraphysique et même j'enlève le mot supra et je repars au niveau du physique parce que je me rends compte que c'est vraiment ça la clé. C'est la matière, le physique, le corps. Et finalement, c'est ça qui va faire qu'on va sortir de la fosse sceptique de la 3D pour aller vers le soleil, hein. Ben Mais moi, d'ailleurs. je dirais plutôt que la clé, c'est de l'intégration du physique en harmonie avec l'esprit. Parce que là, si on met juste le focus sur le physique, ça fait des gens qui peuvent être très en forme physiquement, mais qui n'ont pas cette conscience-là subtile. Exact. Mais c'est vrai que ça fait des allers-retours, ça va beaucoup plus en haut. Moi, ça a été ça. Ça a été beaucoup d'intégration par le haut pour les intégrer par le bas, puis intégration par le haut pour l'intégrer par le bas. Et je suis d'accord, ça fait un yo-yo comme ça. Mais je me souviens que Bernard disait que c'est pas par le cosmos et les étoiles qu'on allait passer dans les autres dimensions, mais c'était par l'intra-terre, la terre, c'est-à-dire par le physique finalement. Ben, c'est sûr que le physique est utile. Après tout, les âmes qui sont sur le plan astral ne peuvent pas évoluer parce qu'elles ne bénéficient pas de cette interface de médiation avec la vibration de l'esprit que représente le corps physique. Voilà, dans les autres, on va dire, dans les autres corps subtils, on ne peut pas intégrer tous les principes. C'est que dans le plan physique qui est la synthèse de tous les corps subtils. Ouais, c'est ça, mais c'est que le corps physique. Dans le fond, la façon que je le conçois, c'est comme étant un lieu de rencontre de différentes énergies qui Ouais. favorise l'interpénétration des énergies. Donc, c'est comme un élément transitoire entre, par exemple, l'énergie éthérique puis l'énergie astrale. Puis là, l'éthérique peut progressivement tasser l'astral en l'âme, mais ça fait un contenant pour favoriser ce type de transformation. Exactement, exactement, c'est ça. Bah, quand on regarde, on a tout à l'intérieur de nous, on a tous les organes qui peuvent correspondre et les centres énergétiques qui peuvent correspondre à des planètes, on a toutes nos cellules qui s'organisent et qui peuvent correspondre à tous les humains sur Terre. Donc on est une véritable planète à nous tout seuls et notre corps est très très très intelligent. Si on arrive à être dans la spontanéité de notre corps, bah, finalement on est en alignement avec notre esprit. Oui. Oh oui, si les deux sont à... Dans le fond, il y a un adage qui dit écoute ton corps, là. Ouais. Parce que d'écouter le corps physique, c'est souvent plus vibrant que d'écouter l'intellect puis la réflexion. Voilà, exactement. Et si tu as bien remarqué, la vibration de l'esprit, quand elle nous prend dans le corps, dans nos centres, dans notre cœur, dans notre plexus, et pas dans l'éther. Oui, quoique j'apporterai une nuance, Oui. parce que dans le passé, dans mes observations personnelles, ce que je réalisais, c'est que quand que j'étais plus en contact avec des vibrations qui étaient basses, ça me touchait plus au niveau du plexus solaire, c'est-à-dire un centre d'énergie dans le ventre qui entrait en résonance. Par exemple, j'écoutais de la grosse musique heavy metal, et des grosses vibrations de colère et de contestation, ça me faisait plus vibrer au niveau du ventre. Alors que la vibration de l'esprit, ben, c'est plus global. Moi, je le perçois plus comme étant l'ensemble du corps qui est harmonisé par une énergie subtile. Ah, c'est intéressant ça, oui, pour cartographier tous ces plans. Ouais. Exactement, parce que quand je suis plus émotif, c'est au niveau du ventre. Tu sais, si j'écoute un film, puis le film va m'émouvoir, ça me fait plus vibrer par rapport au plexus solaire. Quoique aujourd'hui, ça arrive moins parce que je le prends plus dans la globalité de mon être. Puis je suis moins en résistance aussi, puis en réactivité émotionnelle, dans le sens qu'il y a moins de choses que quand que j'étais plus jeune qui vont me décentrer présentement, là. D'accord. Ah oui, bah c'est le corps astral qui se, bah qui se, pas qui se nettoie, mais qui se forme. Ouais, qui va se stabiliser, qui va être reconfiguré aussi par rapport à l'entrée d'énergie éthérique qui se présente à moi lorsque je canalise l'esprit ou que je suis confronté à des chocs d'événements qui vont me restructurer psychiquement. C'est ça. Ah ouais. Je suis bien d'accord. Ben, c'est intéressant de parler de ces choses-là parce que moi, je vois vraiment, François, ton souci par rapport à l'intégration de cette conscience dans la matière. Oui. Puis, c'est intéressant. De l'amener parce qu'après tout, on est des êtres sur le plan physique. Bien sûr. Puis, Il y a oui, des vas-y. en Inde ou en Orient, ils ont très bien compris ça. Il y a un ministère du yoga. OK. Et à mon avis, c'est pas un hasard. C'est, je pense qu'on a beaucoup à apprendre du yoga, de la méditation, de la danse, pour re-rentrer dans le corps et faire descendre des choses. Je sais pas si tu as déjà été en Inde. Non, toi? Non, non plus, mais bon, j'ai été en Indonésie. Et j'ai ressenti une vibration matérielle dans ce pays-là. Parce que ils sont incarnés dans leur corps, tu vois. Ils sont beaucoup plus proches, les Africains aussi, ils sont beaucoup plus proches dans leur corps qu'on peut l'être, nous. Nous, on est dans vraiment une société mentale et d'autres sociétés sont beaucoup plus dans le corps. Et l'Inde, c'est extrêmement puissant. Il y a donc un ministère du yoga et il y a beaucoup de... Bah, il y a cette conscience du corps. Alors, pas les très pauvres, ou pas une couche de la population qui, en effet, ont déjà beaucoup de mal à survivre, mais le collectif a cette conscience de l'intégration-là. Et ils n'ont pas besoin de parler supramental, ça leur vient tout seul parce qu'ils ont de l'alignement dans le corps en fait. Donc ils sont déjà un taux vibratoire intéressant. Quoique en Inde, ils ont plus de mémoire culturelle qu'un peuple comme le mien, c'est-à-dire le peuple québécois qui a à peu près 400 ans d'histoire. Ah oui, mais Donc. vous êtes épargné par la mémoire, hein, vous avez beaucoup de chance. S'incarner au Québec, c'est très intéressant justement. Bah, ça permet en effet d'être beaucoup plus vierge au niveau du matériel qu'on a embarqué. Donc on peut beaucoup plus accueillir des nouvelles vibrations. Ça, j'entends, bien sûr. Oui, exactement. C'est ça, mon contexte socio-culturel est plus propice à l'intégration de cette conscience, dans le sens qu'il y a moins de mémoires anciennes qui peuvent y faire opposition, donc aux idées nouvelles qui descendent. Par contre, le point que je veux dire, c'est que oui, en Inde, il y a des pratiques comme par exemple le yoga qui sont beaucoup plus valorisées qu'en Occident, où qu'on met plus l'emphase sur l'intellect, la connaissance avec les universités, puis les notes, puis les diplômes. Donc, C'est ça. c'est une démarche qui est différente, mais en même temps, je ramène toujours le fait que le développement du corps, en effet, est fondamental, mais aussi, ça prend des gens qui sont intuitifs, des gens qui sont capables de canaliser l'esprit, d'où le fait que, à quelque part, ça prend des gens qui ont de l'ouverture psychique. Ben ouais, et en Inde, ils ont un problème avec ça, c'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'il y avait des maîtres, des gourous et des élèves. Et parfois, les élèves, ils restent 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'aura d'un gourou sans jamais devenir autonome. C'est-à-dire qu'ils vont pas canaliser eux-mêmes, mais ils vont toujours passer par un intermédiaire. Et ça me fait un peu penser à nous en France ou en Europe, quand il y avait les curés, bah, ce qui était l'intermédiaire avec Dieu. Alors qu'en fait, on a une relation directe, très Avec particulière. ce sort avec l'esprit. Donc, Voilà. c'est sûr que, en effet, pour ce qui est des endroits comme, par exemple, nous autres au Québec, c'est sûr que le rapport de l'influence du curé sur la vie de l'individuel, qui a été très présente il y a à peine quelques décennies, au début Oui. des années 1900 au Québec, il y avait des curés qui faisaient le tour des résidences des croyants. Et Ah leur demandait d'avoir un enfant à chaque année pour les adultes en âge de procréer. oui. Waouh, mais de quoi il se mêle? Ben exactement. Aujourd'hui, ça passerait plus, là, ça serait inadmissible, ça ferait scandale. Mais à l'époque, les gens étaient tellement soumis à la religion que les gens avaient des enfants à chaque année, puis des cas où des femmes pouvaient mettre leur vie en danger parce qu'elles n'étaient pas Ah assez fortes, elles étaient malades. Elles avaient quand même des enfants. Sous la pression de la religion, puis il y en a même qui décédaient lorsqu'elles étaient enceintes. Là. Fait que ça fait de voir comment que l'influence de la religion a été forte. Et vu qu'on est dans une culture en changement rapide, au Québec, les églises se sont vidées. Aujourd'hui, il y en a qui sont devenus des condominiums. La pratique est en décroissance et on se retrouve dans un contexte où les gens, dans beaucoup de cas, vont être athées, ils ne croient plus en rien du tout, ils sont plus matérialistes, ou dans le nouvel âge, mais la conscience supramentale est encore à l'état embryonnaire. Mais en lien avec ce que tu dis, c'est sûr que d'accéder à cette conscience-là permet à l'individu de plus avoir de rapport de maître avec un maître, mais Absolument. plutôt d'être en contact avec l'esprit, puis s'auto-gérer plutôt que de mettre sa vie entre les mains d'un individu extérieur à lui qui va lui dire quoi faire. Mais totalement, David, parce que c'était de la domination finalement, ce positionnement gourou, élève ou maître ou initié et moins initié. En fait, on est tous des initiés à des endroits différents. Et on partage et on échange continuellement avec les autres. Et même à l'école, qu'il y ait des enseignants et des apprenants, c'est dommage parce que je vois beaucoup d'enseignants qui ont beaucoup à apprendre de leurs élèves. Parce que comme le monde change, c'est plus des connaissances mentales qu'on va faire ingurgiter aux enfants qui vont après recracher sous forme de mémoire. Nous ne sommes pas des robots qu'on formate par de la mémoire. Maintenant, on va apprendre à se rebrancher à qui on est, à s'émerveiller, être dans une spontanéité, dans une illimitude de la vie, et plus à tout le temps hiérarchiser, tout ramener en dualité. C'est encore une dualité, maître-élève. C'est Exact. C'est sûr que si on c'est comprend. peut-être moins présent ici, là, au Québec, là, dans le sens qu'un élève peut saluer un professeur d'université ou le tutoyer, alors que si je ne me trompe pas, en France, le rapport hiérarchique, surtout par rapport à un prof universitaire, est plus marqué. Oui. Oui, je comprends. C'est sûr que... Mais même Oui. là, nous, si on veut faire des. Si on veut transmettre, je pense que ce sera plus sous forme de conférence, comme le faisait Daniel ou Bernard. Mais moi, je le vois sous forme d'échange à égalité dans une salle avec des personnes. J'ai remarqué que quand on avait une problématique ou qu'on se posait des questions, si on parle à une personne, elle détient la réponse. Si on parle à deux personnes, ces deux personnes détiennent chacun 50% de la réponse. Si on parle à 10 personnes, Chacune des personnes va amener un angle différent qui va permettre de mieux cerner la réponse multidimensionnelle qu'on était en train de regarder. En Donc je autant que les pense que c'est... personnes soient branchées, c'est ça l'affaire. Oui, bien sûr. Parce que, après tout, les gens ont des taux vibratoires différents qui leur permettent de capter avec clarté des informations aussi en relation avec ça. Alors oui et non, parce que tu peux parler à quelqu'un de totalement inconscient, mais dans ce qu'il va dire d'inconscient, toi en entends des choses conscientes. Oui, il peut avoir une perception que la personne, même si elle n'est pas consciente, vu qu'elle est canale, elle va capter des choses. Par contre, le point, c'est qu'il peut être possible qu'une personne comme Bernard de Montréal, qui est interrogée sur un sujet, nous amène une descente d'informations plus claire, plus approfondie que 10 individus qu'on interroge sur le même sujet. Oui, mais c'est en... Ouais. Après, moi personnellement, si j'ai quelque chose que je n'arrive pas à discuter avec mon esprit, je vais être obligé d'aller voir des personnes, même complètement inconscientes, qui vont me renvoyer des choses et mon esprit va partir de ça pour me parler. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que si dans la communication intra-psychique, on n'est pas capable de capter quelque chose avec clarté, ben de se servir de son environnement, ça peut nous aider à avoir des éclaircissements pour par la suite mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Exactement. Et on a tous un rôle à jouer, les uns pour les autres. Le coiffeur est extrêmement important pour la dame, même inconsciente, qui vient la voir, parce que ça va lui donner confiance en elle. Et en ayant confiance en elle avec sa belle coiffure, après, elle va pouvoir contribuer à autre chose. Donc on est tous interreliés et tous en train de composer une symphonie globale et de déficeler un schmilblick global. Quelque part, chacun à notre place, en incarnant là où on doit être. Un schilblick, qu'est-ce que ça veut dire? Schmilblick, c'est une expression française pour dire comme une grande pelote de laine, où il y a des fils de partout. Un tricot. Voilà, c'est Pour employer un truc où il y a l'expression tout qui est québécoise. emmêlé. Ouais. Non, c'est ça, mais en effet, tout est interrelié, puis après tout, on n'est pas intelligent tout seul, comme dirait Bernard de Montréal. Ben non. Donc, Maintenant, on. on ne peut pas. C'est pas possible. Non, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est intéressant de bénéficier de l'intelligence des gens. C'est entre autres la raison pour laquelle je fais des entretiens avec des gens Oui. comme toi, là, un peu partout dans le monde. Puis, c'est sûr que le sujet du rapport à autrui est pertinent parce que, après tout, tant qu'on est en processus d'évolution, les autres peuvent nous servir de miroir. Voilà, c'est ça. Donc, pour nous C'est réfléchir. ça, c'est Ouais. exactement. Et puis quel plaisir de découvrir d'autres personnes différentes de nous. Parce que même si on a conscience d'être tout le monde et d'être la source à un certain niveau, on est là surtout pour être différent et être dans notre identité. Hein. Bernard parlait beaucoup d'être dans notre identité. Et c'est en étant, en sachant qui l'on est dans plein de domaines de notre existence, que finalement on comble les trous de notre ignorance de qui l'on est par l'identité de l'esprit. Et c'est comme ça que finalement que s'incarne de plus en plus l'esprit en nous, par ces zones identitaires. Et une fois que ces zones identitaires sont comblées, donc par le feu de notre esprit, ça va dans nos cellules, dans notre aura, et après quelqu'un qui passe à côté de nous, je pense que c'est comme ça que le Nazaréen faisait des miracles, quelqu'un qui passait dans son aura, eh ben, il était comme réveillé à sa propre identité cosmique ou celle de son esprit. Donc il guérissait, il avait la compréhension par le bas, par les cellules que lui transmettait le Nazaréen directement. Et donc il guérissait instantanément. Tu vois, on n'a jamais vu personne guérir par le supramental, mais je pense qu'on peut guérir par le physique. D'ailleurs, le massage, le toucher, ça guérit énormément. Oui, ça peut favoriser la santé. C'est sûr qu'en tant que telle, l'énergie supramentale, c'est une énergie d'ordre et d'équilibre. Donc, par Oui. définition, ça enlève l'incohérence qui peut favoriser la maladie. C'est ça. Parce qu'après tout, la maladie sur le plan physique, c'est la manifestation densifiée d'un désordre, de déséquilibre au niveau psychique dans un sens. Totalement, totalement. Donc, Exactement. ouais. Mais il va y avoir une différence fondamentale entre la personne te parle de façon supramentale quand tu as une maladie, mais une personne qui te parle de façon intégrée, c'est-à-dire qu'il a vécu les choses dans ses cellules, et une personne qui t'en parle de façon théorique. Tu vois, quand il parle de façon théorique, je pense que l'autre, il va pas guérir des masses, en fait. Non, parce que la parole de la personne ne sera pas porteuse d'une vitalité énergétique qui Voilà. favoriserait, par exemple, une transmutation de son aura, voire de son corps physique. Exactement, exactement. Parce que, après tout, ce qui va changer la matière, comme disait Bernard, c'est qu'éventuellement, la matière va agir en fonction de la volonté. Mais pour que la volonté soit réelle ou suffisamment forte par rapport à avoir un impact sur le physique qui est très dense, bien, ça prend beaucoup d'énergie qui la sous-entend, ce qui veut dire un taux vibratoire élevé, ce qui veut dire une intégration réelle de cette conscience-là qui habite l'individu qui est intégré dans sa matérialité, là. Absolument. C'est super. Et je voulais te remercier pour être mis en vibration pour faire ces enregistrements parce que je pense que c'est du matériel qui est vraiment très intéressant et qui permet à beaucoup de gens d'avoir des avis différents autres que les gros de Bernard, Daniel, etc. Voilà, chacun a sa vibration à apporter et ça, c'est merveilleux. Oui, ben c'est un plaisir pour moi. C'est sûr que François, comme tu auras 30 ans, j'évalue que tu fais partie de ce qu'on appelle la relève, dans le sens qu'il y a eu des gens dans le passé. Bon, Bernard de Montréal, c'était en 69, il s'est exprimé publiquement les années 80, 90, 2000. Et puis là, il y a une continuité, il y a d'autres générations, Ça. un peu comme les épisodes de Star Trek, il y avait la première génération, puis ensuite de Next Generation, puis il y en a eu d'autres ensuite. Donc, je Bah pense. oui, c'est ça. Ouais. Moi, je suis né en 88 et bah c'était à peu près les moments où Bernard parlait et après. Et donc ouais, maintenant, je vois s'il y a peut-être des facilités dans notre corps physique parce que comme certains ont fait le travail avant d'intégrer par le corps, bah nous on est né directement dans des corps déjà peut-être plus avancés qui nous permettent d'avoir accès au circuit universel de façon beaucoup plus fluide. Oui, exactement, parce qu'un travail a été fait de défrichage par les précurseurs. Moi, je compare ça à des gens qui s'aventurent sur un nouveau territoire. Donc, lorsqu'il y a de la forêt, de tracer les principales routes, c'est ce qui demande de l'énergie. Puis par la suite, de les élargir, de les raffiner, puis de descendre des choses complémentaires, bien, ça devient plus facile parce que les principaux sillons ont été faits. C'est ça. Ben, on se passe le relais. Moi, pareil, notre génération, on intègre plein de choses. Et les enfants qu'on aura seront encore plus évolués dans leur corps. Et pareil, pourront nous faire évoluer et faire évoluer la société, en fait. Oui, exactement, parce qu'après tout, chaque expérience qui est vécue par les êtres humains est enregistrée sur le plan éthérique et aussi dans l'aura de la Terre. Donc, plus que des gens intègrent de la nouvelle énergie, plus que l'aura de la Terre est transmutée, puis plus qu'elle est transmutée, plus qu'il devient facile pour les nouveaux arrivants sur Terre de se brancher à cette conscience-là qui devient des égrégores, des structures énergétiques en support évolutif à certains individus qui vont venir sur Terre s'incarner dans les prochaines années. C'est ça, exactement. C'est beau, hein, tout ça, Oui, ce ben relais. c'est ça exactement. C'est un petit peu comme Bernard nous a apporté quelque chose, puis nous autres, on peut apporter aussi des choses à l'humanité. Puis par la suite, c'est une façon de donner au suivant qui va amener les choses encore plus loin. Absolument, ouais. C'est sûr que je prétends pas d'aller aussi loin que Bernard, là. Je veux juste que ça soit pas mal interprété par les gens qui écoutent, là. Je dis simplement que mon intégration personnelle peut favoriser mon développement, puis implicitement le développement aussi d'autres personnes, s'ils bénéficient par exemple des enregistrements que je produis, mais je prétends pas être parfait ni d'être un initié là, non plus, là. C'est ça. Mais Bernard, ok, il a été loin, mais est-ce qu'il était vraiment libre? Alors que tu vois, nous, peut-être qu'on est plus libre que Bernard, finalement. C'est un sujet à discussion parce que, après tout, de mon point de vue, tant que l'individu n'a pas totalement fusionné avec l'esprit, il va être amené par lui, à travers des événements qui sont programmés, à agir d'une certaine façon. Dans le sens que peut-être que les tests initiatiques qu'on peut vivre vont être plus légers, parce qu'après tout, les gros chocs de défrichage ont été faits dans le passé, mais en même temps, Yo, quand même, tant aussi longtemps que notre harmonisation n'est pas intégrale avec l'esprit, des événements oppositionnels qui peuvent être mis sur notre route pour favoriser l'intégration de cette conscience-là. C'est vrai. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, écoute, François, ça a été un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. En terminant cet entretien, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Ben, pas particulièrement. Je fais ce qui était venu et ben, je te remercie beaucoup. Ça me touche beaucoup de m'inscrire dans cette continuité en tant qu'être humain et de contribuer aussi par cet enregistrement. Et ben voilà, continue de faire ce que tu fais, c'est vraiment superbe. Daniel s'est désincarné il n'y a pas longtemps, il m'a envoyé tout son matériel avant de se désincarner, donc ça m'a permis aussi de voir un peu, d'entendre la vibration qu'il a envoyée. Et là, je constate vraiment une nouvelle génération, ben là, de toutes les personnes qui sont vivantes et branchées en ce moment, ben qui évolue et ça fait vraiment évoluer la société. Hein. On voit avec les gilets jaunes en France, il y en a qui commencent à vivre leurs émotions et à montrer que ça va pas. Et bah, ça change petit à petit en fait. Donc ça change dans le fond, enfin ça change dans la forme, mais ça change surtout dans le fond. Et on retisse une nouvelle société ensemble basée sur plus d'échanges, moins de dualité, plus d'amour, plus d'intelligence en fait. Oui, donc ben c'est sûr, ça a été un plaisir de discuter avec toi. J'ai apprécié la clarté de tes propos, également ta sensibilité que je pouvais sentir dans ta voix. Bah, au plaisir, David, vraiment. Quand tu veux, hein, dès qu'on sent, on reparle. Ou si on a des questions, on n'hésite pas. Excellent. Donc, on garde contact et on se dit à bientôt. Très bien, à bientôt, David. Salut.